Avant de commencer, nous voulions vous dire que notre petite série, L'Aventure de Noël, vous est offerte par ribambelle.com, le site des activités en famille. Bon épisode! Les petites histoires de Tell Me. L'aventure de Noël. Le voleur de courrier. Chaque année, des milliers, de milliers, de milliers de lettres sont envoyées au Père Noël. Impossible d'en perdre une seule. Un enfant serait déçu. Depuis la nuit des temps, Edmond gère le service courrier. C'est lui qui a mis au point le système qui amène chaque missive des boîtes aux lettres à l'entrepôt des correspondances où sont triées toutes les listes de Noël. Lui qui l'a modernisé pour traiter celles envoyées par email et tous les autres systèmes de messagerie. Lui qui a formé des milliers de lutins à déchiffrer et à noter chaque demande dans le grand registre des cadeaux. Une mécanique de précision qui n'a jamais souffert aucun problème. Jusqu'à aujourd'hui. Dizzy, un trieur de lettres, surgit dans le bureau de son chef, tout tremblant et transpirant de panique. Jamais Edmond n'a vu un lutin dans un tel état. « Que vous arrive-t-il, mon cher Dizzy ?» Le lutin se mordit les joues. « J'ai perdu, oh, enfin on a volé là. Oh, » »« Ressaisissez-vous, enfin !» Après avoir inspiré un grand coup, Dizzy annonce l'impensable. « Des lettres ont disparu !» La paupière d'Edmond tressaute. « Comment ça ? Disparu ?»« Eh bien, elles étaient là et pouf pouf, elles ont disparu !» Edmond le dévisage avec un sourire nerveux. « Pourriez-vous être plus précis ?»« Je transportais un nouveau tas de lettres, sauf qu'en chemin, mes lacets se sont défaits. Le temps que je les refasse, elles n'étaient plus là. » Un voleur de lettres ? Absolument impensable. Qui voudrait décevoir un enfant à ce point-là ? Arrivé sur les lieux du crime, Edmond inspecte les lieux sous le regard soulagé du trieur qui sait que rien n'échappe à l'œil de lynx de son chef. Ha ha ! Qu'avons-nous là ? Des poils ! Venez, Dizzy, nous devons aller voir Tabod. Tabod est l'érudit des lutins. Il connaît un paquet de choses. Il a des livres sur tout. C'est aussi un expert en potions et en animaux. C'est lui qui prend soin des rennes du Père Noël. Personne n'est mieux placé pour identifier le propriétaire de ses poils. Comme à chaque fois qu'ils entrent dans son bureau, Edmond et Dizzy sont saisis par l'étrangeté de l'endroit. Ils débordent de livres, de fioles remplies de liquides bizarres et de bocaux bourrés d'herbes, de champignons ou d'insectes. Au milieu, plusieurs chaudrons bloblotent tranquillement. Qu'est-ce qui vous amène, mes amis? Vous êtes malade? Vous n'avez pas l'air dans votre assiette? L'impensable est arrivé, Tabod. On a volé du courrier. Regarde! La nouvelle ne le perturbe pas le moins du monde. Il est plutôt intrigué par les poils que lui tend Edmond. Il les ausculte, les trifouille, puis les renifle avant d'annoncer, sûr de lui, « C'est un écureuil des neiges, mais il devrait hiberner, et il se fiche des lettres comme de mon premier slip. Attendez voir. » Tabod saisit deux bols qu'il remplit d'une potion rosâtre, puis y jette les poils. « Tenez, buvez, c'est une potion de limier. Suivez le fil rose pour le retrouver. » Bien qu'un peu dégoûté, Edmond et Dizzy l'avalent cul sec. Un gargouillis et un petit rot plus tard, une fine traînée rosée apparaît devant leurs yeux. Le jeu de piste n'est pas de tout repos. Il leur faut escalader, ramper, sauter, rouler bouler. À bout de souffle, ils arrivent devant un couloir abandonné. Là, dans la pénombre, un point vert palpite au ras du sol. Des grognements mêlés à des grignotements frénétiques résonnent. Dizzy claque des dents. Edmond n'est pas très rassuré, mais ils pensent aux enfants, prennent leur courage à deux mains, saisissent leur lampe de poche et les braquent en direction des bruits. Surpris, un écureuil laisse tomber les lettres qu'il mâchonnait pour se mettre à quatre pattes, la queue dressée, l'air menaçant. Autour de son cou, un pendentif verdâtre attaché par une chaîne noire comme la nuit. La curiosité chasse la peur de Dizzy, qui s'approche de l'animal apeuré. « C'est ce collier qui te donne envie de manger notre courrier ?» Le rongeur bondit sur le lutin, le mord et le griffe. Edmond se précipite pour saisir la bête par la peau du cou. La bestiole gigote comme un diable pour se libérer. Quelques griffures et morsures plus tard, Dizzy réussit à lui ôter le collier. Instantanément, l'écureuil se calme et remercie ses sauveurs avec des léchouilles. Bien que légèrement grignoté, le courrier est sauvé. Les préparatifs de Noël peuvent continuer. C'était un épisode de l'aventure de Noël. À demain pour le prochain.